Master Blaze, hip hop freestyle underground style. C'est pour les mecs, les b-boys de la street. Vas-y, vas-y, kiff, double clic. Vas-y, fais voir Blaze, débouche tes bouquets. Vas-y, fais voir Blaze, débouche tes bouquets. Mon rap s'inspire le biguet de Tupac. Mon rap s'inspire le biguet de Tupac. Mon rap s'inspire le biguet de Tupac. C'est pour ça qu'il a de l'impact. C'est pour ça qu'il a de l'impact. C'est pour ça qu'il a de l'impact. Aïe, aïe, aïe, mes distances comme Dev, bon je prends ma distance. Je veux pas finir en tête d'affiche, je placardé partout. Moi le petit Babtou, j'évite les jaloux. Écoute ça. J'ai balance la sauce, je vais m'occuper des pastos. Et vous emmenez pas, je vais une mêlée. Je balance mes rimes sur la mélo, provoque un méli-mélo dans chaque couplet. Ok, fix, DJB Master Blaze, hip hop freestyle underground style. C'est pour les mecs, les b-boys de la suite. Vas-y, kiff, double clic.